Comment dites-vous je veux? Voglio. Voglio. Et je le veux? Lo voglio. Lo voglio. Et je ne le veux pas? Non lo voglio. Non lo voglio. Et je veux le faire? Voglio farlo. Voglio farlo. Oui, mais on peut dire aussi lo voglio fare. Lo voglio fare. Bien. Comment dit-on que voulez-vous? Che cosa vuole? Che cosa vuole? Et le voulez-vous? Ou vous le voulez? Lo vuole? Lo vuole? Et vous ne le voulez pas? Non lo vuole? Oui, non lo vuole. Et dites-moi, pourquoi ne le voulez-vous pas? Perché non lo vuole? Perché non lo vuole? Et je le veux, mais pas maintenant. Comment diriez-vous ça? Lo voglio, ma non ora. Oui, lo voglio, ma non ora. Et comment dites-vous? Que dites-vous? Che cosa dice? C'est ça. Che cosa dice? Et que me dites-vous? Che cosa mi dice? Bien. Che cosa mi dice? Et pourquoi ne me le dites-vous pas? Comment diriez-vous ça? Perché non lo mi dice? Le me vient avant le en italien comme en français. Ah, perché non mi lo dice? Logiquement, ça devrait se dire comme ça. Perché non mi lo dice? Mais en fait, ce n'est pas ça. Non, parce que quand on met deux mots comme mi et lo à la suite l'un de l'autre, le i de mi devient e et ça donne me lo. Pour vous en souvenir, il suffit de vous dire que c'est comme en français. Me le, me lo. Ou alors, vous pouvez vous dire que le e de me représente le lien entre les deux mots. Me lo. Parce que « et » veut aussi dire « et » « et ». C'est un petit mot qui relie d'autres mots entre eux. « Mélo ». Oui, pensez au « et » qui fait la liaison. D'accord. Je vais vous dire... Non, attendez. Si, allez-y. Comment dites-vous « je vais vous dire pourquoi » « je vais vous dire pourquoi plus tard ». « Je vous dis », si « vous » signifie en fait « à vous », c'est « les ». Les, L-E, les. Alors, comment diriez-vous, je vous dis? Les dico. Les dico, oui, les dico. Donc, les dico, c'est je vous dis ou je vais vous dire. Oui, les dico. Alors, maintenant, dites-moi, je vais vous dire pourquoi plus tard. Les dico perché più tardi. Oui. Le dico perché più tardi. Bien sûr, on peut dire aussi je vous dirai. Rappelle-moi comment ça se dit, je vous dirai. Le dire en italien à l'infinitif, c'est dire, tout simplement. Ah oui, dire. Dire, oui. Et donc je dis dico. Dico, oui. Vous dites dice. Dice, oui. Mais dire, encore une fois, c'est dire. Dire. Et donc, je dirai dirò. Dirò. Bien. Et la phrase entière, je vous dirai le dirò. Le dirò. Mm-hmm. Donc, je, au futur, c'est toujours ro. L'infinitif du verbe, c'est-à-dire la forme que donnent les dictionnaires, a toujours un R en italien et c'est à ce R qu'on rattache la terminaison, le O en l'occurrence. C'est aussi cette dernière syllabe qu'on accentue, sur laquelle on insiste. Dirò. Pour ce qui est de la compréhension, sachez qu'à chaque fois que vous entendez un verbe qui se termine en ro ou ra, c'est forcément un futur. Ro, ra et remo. Remo qui représente le nous. Bien, alors, comprendre se dit capire. Capire, oui. Et je comprendrai? Capirò. Capirò, c'est ça. Comment dit-on parler? Parlare. Parlare, oui. Alors, avec les verbes en are, c'est-à-dire la plupart des verbes italiens, car la grosse majorité des verbes italiens se terminent en are, avec les verbes en are, donc, le futur ne se forme pas sur l'infinitif tel quel. Par exemple, parlare. On ne dit pas parlarò, on dit parlerò, parce que le a de arò se transforme en e. À l'écrit, c'est pareil. Le a devient e. C'est tout simple. Parlerò. Alors, rappelez-moi comment on dit le verbe voir. Vedere. Vedere, vedere. Et maintenant, par contre, pour dire « je verrai », il faut contracter un petit peu. Essayez pour voir. Verrò? Non. Vedrò. Ah, vedrò. Vedrò, vedrò. Au lieu de « vedrò », vedrò. Et par conséquent, il verra. Vedrai. Non, je vous demande, il verra. Au futur, le « je » donne toujours « ro » et le « il », le « elle » et le « vous » donne « ra ». « Ro » et « ra ». « Ro » et « ra » avec tous les verbes sans exception. Alors, il verra. Vedra. Vedra, c'est ça. Il ne faut pas oublier d'insister sur la dernière syllabe, sur le « ro » et le « ra ». « Ro » et « ra ». « Ro » « ra ». Par contre, pour la terminaison en « remo »,« remo » pour « nous », on insiste toujours sur le « e ». Comment dit-on alors « nous verrons » ?« Vedremo ».« Vedremo », »,« nous verrons ». Et nous avons dit que Vedra, c'est vous verrez. Il verra, elle verra. Vedra. Et je le verrai? Lo vedrò. Lo vedrò. Oui. Il ne le verra pas. Non lo vedrà. Bien. Non lo vedrà. Et nous le verrons? Lo vedremo. Attention au futur pour la terminaison pour nous, on insiste toujours sur le e de remo. Vedremo. Lo vedremo. Lo vedremo. Et comment diriez-vous je vous verrai plus tard? Si vous voyez votre interlocuteur, comme vous le savez déjà, dans ce cas, vous se dit de la même façon que elle. Les... Non, les équivaut à vous. Par exemple, je vous apporterai quelque chose. Autrement dit, j'apporterai quelque chose à vous. Ou bien, je vous dirai pourquoi. C'est-à-dire, je dirai pourquoi à vous. Là, on emploie effectivement les. Mais si le vous ne sous-entend pas à vous, on dit la. Donc, comment direz-vous? Je vous verrai plus tard. La vedrò più tardi. La vedrò più tardi. Il ne me verra pas? Non me... Mi? Non mi vedrà. Non mi vedrà.